Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Lascaux, saison 4, un art quasi mort et très enterré. Une série de Perrine Kervran réalisée par Diffie Mariani. Au départ de cette série, il y a le nouveau facsimilé de la grotte de Lascaux, ouvert il y a un an, et ce petit bison gravé sur un os de renne et qui tourne la tête pour se lécher le dos. Et cette sensation étrange de bien-être qu'on peut avoir dans une grotte, loin de la lumière et du bruit, comme à l'abri, hors du temps, dans un endroit qui ouvre la possibilité d'une rêverie, comme un contact direct avec le passé le plus lointain. Et puis il y a aussi une fascination pour ces peintures et gravures que les hommes et les femmes du Paléolithique ont posées sur ces parois, au plus profond de la terre. Et enfin, l'envie d'explorer les liens qui relient ces dessins à l'histoire de l'art et cette émotion qui nous cueille à chaque fois. Alors pour commencer, les personnages. Un historien de l'art qui fréquente les grottes, une philosophe qui relie préhistoire et histoire de l'art, un peintre qui pose sa main sur la toile, un écrivain qui voit le passé dans le paysage, un autre qui imagine le premier artiste et des archéologues encore émus. Ensuite le décor, les plates-bandes du jardin des plantes, une grotte haute mais étroite, des animaux enchevêtrés, un studio de radio et des appartements remplis de livres. Aujourd'hui, 4e épisode. Pour commencer, il faut grimper en haut de la falaise. Là, on est en train de longer la falaise qui aboutit à l'entrée de la grotte. C'est un monument qui est toujours accessible au public. Vous allez voir, c'est quelque chose de particulier. C'est une très haute falaise, elle est... Ah oui. Qui nous surplombe. Ouais, elle est découpée par l'érosion. Elle a des belles couleurs. Ça se voit de très très loin. Hein. On dirait comme un canyon presque en fait. Ah, il y a quelque chose comme ça, oui. Comme une muraille. Oui, oui, oui. Dans le paysage. Oui, mais il y a quelque chose comme ça. Un après-midi d'octobre, en Dordogne, dans la vallée de la Vézère, soleil d'automne, pas loin des Aisies, on monte vers la grotte de Fond de Gaume en longeant la falaise. Je vais juste vous demander un petit peu de vous aimer. Merci. Je vais vous amener avec plaisir à la découverte de quelques peintures préhistoriques authentiques et qui seraient le fait des Magdaléniens. Et donc on va rentrer dans l'œuvre. On va s'approcher, vous allez voir, l'entrée est majestueuse. Là, vous allez en juger par vous-même. On va juste s'approcher. Voilà, venez, vous me suivez. Vous pouvez prendre des images de l'extérieur. Ça, c'est possible. Et c'est joli, hein? C'est joli, hein? Là, il y a une lumière assez intéressante. Donc profitez-en quelques secondes et puis dans le laps de temps on va aller poser les sacs dans le vestiaire puisque une petite galerie qui sert de vestiaire. Venez. Donc vous êtes déjà dans la grotte et ce lieu il a toujours été fréquenté. Alors ça remonte à Néandertal. Il reste essentiellement les œuvres sur la paroi et vous allez voir qu'elles sont émouvantes. C'est le maître mot, si vous voulez, à mon avis. Alors, on va s'approcher et je vais vous placer. Il faut que je vous place pour que vous ayez les meilleurs points de vue pour voir. Voilà. Une grotte ornée, c'est ça. C'est un espace qui a du sens. Alors, on va pénétrer dans cet espace particulier. Là, vous êtes très bien organisé. On est en file indienne. On ne peut pas faire mieux. Vous ferez attention à la tête. Mais même si c'est instinctif, il ne faut pas toucher les parois. Voilà, c'est dit. Si vous cherchez l'artiste, il est dans la grotte. Donc, il va falloir qu'on marche un petit peu pour atteindre les œuvres. Et donc, maintenant, suivez-moi. Venez. C'est bas. Attention à la tête. attendre une petite seconde ici. Voilà, le temps de s'acclimater un peu. Voilà, très bien. On attend tout le monde. Je vais vous les montrer, ces peintures. Ça percevait un peu la grotte. C'est une belle grotte, hein, faut l'avoir. Ouais, très belle. C'est un bel écrin. Et avant 1900, les gens venaient voir la beauté naturelle. Ils venaient goûter du mystère. Mais ils n'avaient pas capté les œuvres préhistoriques sur la paroi. Juste devant vous maintenant, vous devez commencer à discerner des formes, des couleurs. Et voilà. Des bisons. Voici un. Tournez à droite. Vous voyez que c'est conséquent. Je vous indique un autre bison sortant. Aussi. Ouais. En revenant vers vous, à mi-hauteur, deux bisons en vis-à-vis. Il faut chercher du rouge ou du noir. Ouais. Un contour rouge et un bison au contour noir qui lui est opposé. Et puis un grand bison rouge un peu plus loin. Malheureusement, les graffitis modernes, qui l'altèrent. Ah. Vous y êtes là ? Non. Vos bisons. Ouais. Tant qu'on est là, on profite. Regardez, les pattes arrière de notre bison. C'est là, il est magnifique. Ah, là, vous commencez à voir. Ça y est, vous commencez à rentrer. Alors, les pattes arrière sont distinctes. Il y a du noir en contour. Il y a du bras à l'intérieur. Et regardez, tout ça, c'est gravé. Ah oui. Ah oui, oui. Et vous voyez qu'il y a une mise en perspective. Quand vous pénétrez dans une grotte, ce qui est totalement bouleversant, ce qui vous donne physiquement des frissons, c'est cette idée que, plutôt pas cette idée d'ailleurs, ce sentiment que le geste, il est en train de se faire. C'est une sorte d'événement qui n'est pas du tout fossilisé, comme si un écho ne s'achevait jamais. Ce qui frappe quand on est devant les peintures, surtout quand c'est les vrais, donc comme à Fond de Gaume, l'émotion qui est là... Oui, il y a quelque chose d'une descendance. Oui, oui, oui. C'est-à-dire quelque chose qui est ineffacé, quelque chose qui est intact, qui a tenu le coup comme ça, et quelque chose qui est comme un signe, qui n'était pas un signe adressé, en tout cas certainement pas adressé à nous, mais il est là, il subsiste. Voilà, c'est un dépôt, de savoir dont nous n'avons pas la clé. Et puis de les voir, j'avais le contact un peu avec les œuvres préhistoriques, vous voyez, parce que quelquefois on le ressent, ça, on comprend quelque chose. Et ça, c'est quand même un sentiment fort. Quand vous êtes achevé, vous êtes les larmes au bord des yeux, tellement c'est l'ampleur de ces grottes-là. C'est très, très impressionnant, Chauvet. C'est un monde souterrain. Il y a un moment où vous êtes dans l'obscurité la plus totale, mais vous ne voyez plus rien. Donc c'est très, très angoissant. Il y a ça dans les grottes. C'est à la fois trouver l'apaisement, parce que c'est aussi un lieu, c'est aussi le cocon. La dimension matricielle des grottes est évidente. Et en même temps, c'est extrêmement angoissant, puisque c'est revivre l'expérience de la naissance à l'envers, quand même. Hein. C'est-à-dire que au lieu de crier parce que vous sortez, vous criez de peur intérieurement parce que vous rentrez. Il y a quelque chose aussi de la mise en contact avec des gens qui sont passés auparavant, de se dire qu'on est de nouveau à faire des gestes qui ne sont certes pas exactement les mêmes, mais dans les mêmes lieux, qui génèrent ces images mentales, qui génèrent des événements. C'est effectivement quelque chose d'assez fou de se dire que les lieux ont si peu changé, alors que le temps, lui, a changé. Il y a une espèce de choc, c'est vrai. La première chose, c'est que, effectivement, quand vous rentrez dans cet endroit sombre, humide et relativement frais, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui paniquent. Et les autres, eux, sont très, très heureux. On est d'abord heureux, bien, on pense à rien, on flotte. On est un peu comme, je vais faire un rapport complètement stupide, mais comme en avion dans un long courrier. Vous êtes comme dans un rêve ou comme dans un sommeil, plutôt que dans un rêve, dans un sommeil assez profond. Voilà, bon. Quand en plus, il s'avère qu'il y a des traces qui sont sur les parois et que ces traces ont été faites par des gens qui vous ressemblent à 100%, mais que vous n'avez pas connu et que vous ne connaîtrez jamais, quand en plus tout ce qui peut se dire réellement dessus ne peut être que allégation, et que moi j'adore cette espèce de phénomène de doute, c'est-à-dire de ne pas savoir finalement qu'est-ce qu'on a en face de soi, pourquoi, on n'en sait rien. Je vais juste me détendre les pieds parce que là, c'est vrai que on y est bien dans cette grotte, mais c'est un peu serré. Silence. Ça va être difficile avec la respiration. Justement. Bah, il faut que vous vous éloigniez. Oui, mais c'est bien même avec la respiration. On peut même en profiter pour éteindre les lampes. Hein, si lorsqu'on se trouve devant les œuvres de la grotte Chauvet, dans l'état de fraîcheur dans lequel elles sont, on est plongé de manière soudaine dans le passé et dans le vécu du passé. Donc l'émotion est tellement intense que c'est le corps qui l'exprime. C'est ça, pleurer devant une œuvre d'art. Et c'est vrai que parfois les larmes viennent, quand l'image prend forme, que l'on voit les lignes de la main imprimées dans l'ocre rouge ou qu'on devine le doigt qui a tracé le sillon dans l'argile. On est dans une pénombre agréable, il fait frais et humide, on est à l'abri de tout, parfois on entend une ou deux gouttes, et même si on est très peu nombreux, on aimerait mieux être seul. On rêve qu'on est seul, qu'on est le premier à arriver là et à tomber sur ces bisons croupe à croupe, cette file de mammouths, ou cet enchevêtrement de lions et de chevaux. Il faut dire que ces images sont là parfois depuis 36 000 ans, et ça fait rêver. Ça fait rêver les peintres et les écrivains, rêver les rêveurs, mais aussi les scientifiques. Après tout, ces images sont les premières images, sans doute les premières œuvres d'art. Ça paraît évident, mais c'est une longue histoire. Bonjour. Bonjour, j'ai pas l'habitude d'aller passer les barrières, d'aller dans le potager. On n'a rien passé du tout. Bon, on va s'approcher de la statue, Philippe Dagen, c'est celle qui est là-bas, là. C'est la salle, c'est celle qui est là-bas, oui. Ah, parce que vous avez déjà commencé à enregistrer. Ah, c'est vicieux. Philippe Dagen, historien de l'art. Alors, on est devant cette statue. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette statue qu'on est venu voir, quand même? On est venu jusqu'au Jardin des Plantes pour voir cette statue. Elle est supposée représenter, c'est son titre, en tout cas, le premier artiste. Ce qui est déjà très ambitieux et très hypothétique. Donc, ce premier artiste, ce serait un homme. Évidemment. Bah, ça se discute. Nu, pourquoi? Enfin bon, mettons qu'il fasse chaud, même si ce n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on sait du climat. Il est assis sur ce qui n'est pas négligeable, une sorte de peau de bête. Et il contemple avec un sourire béat le petit mammouth qu'il vient de tailler, selon toute vraisemblance, et d'achever à l'aide d'un instrument qui est évidemment une pointe de silex montée sur un manche de bois, et que, comme tout bon artiste, il tient dans sa main droite alors qu'il tient la sculpture de la main gauche. Enfin, c'est une pose extrêmement classique, représentation de l'atelier au XIXe siècle. Paul Richer, l'auteur de la sculpture, ayant fait relativement peu d'efforts pour s'adapter aux probables conditions historiques de son sujet. On est quand même face à des représentations qui sont extrêmement stéréotypées. Par ailleurs, elles sont novatrices, parce qu'en 1890, admettre qu'il y a eu de l'art, puisque c'est bien le mot artiste qui est employé à ces époques, n'est pas nécessairement admis sans discussion, y compris par un certain nombre de préhistoriens. Qu'est-ce que ça a changé, Philippe Dagen, cette admission de la science préhistorique dans l'histoire de l'art, dans le récit qu'on faisait de l'histoire de l'art? Ça a changé tant de choses que je ne pourrais pas vous répondre brièvement. D'abord, pour commencer, ça a complètement bouleversé la chronologie. Jusque-là, on remontait à la Mésopotamie, aux Sumériens. On gagne, si j'ose dire, 25 000 ans. ça change quand même profondément la donne. Et ça change la géographie. Parce que la géographie était essentiellement tournée vers la Mésopotamie, vers le Moyen-Orient, et les découvertes, ce sont des découvertes dans le sud-ouest de la France ou essentiellement dans l'Espagne du Nord. Donc on se retrouve face à une histoire plutôt européenne, et non plus excentrée vers l'Orient, qui apparaissait comme une sorte de vestibule de l'Antiquité, si j'ose dire. Bon. Ensuite, ça change des choses sur les conceptions philosophiques, historiques qu'on peut avoir la création de l'art. L'art est-il le fait d'une civilisation arrivée à un stade de développement considérable, bon, Hegel et compagnie, je vous la fais courte, ou peut-il y avoir de l'art quand il n'y a pas cet état de civilisation ? Immédiatement, la question retentit sur le regard que l'on porte sur ce qu'on appelle à l'époque les primitifs, ce qu'on appellera nous beaucoup plus... plus justement les colonisés, c'est-à-dire les peuples d'Afrique et d'Océanie, dont les artefacts n'ont pas été reconnus pour leur qualité artistique jusque-là, en raison, entre autres, du caractère supposément rudimentaire de leurs mœurs, de leur situation sociale et de l'état économique et matériel dans lequel ils vivent. Si l'on admet qu'il peut y avoir de l'art à l'époque des chasseurs-cueilleurs, probablement peut-il y en avoir dans ce qui correspond aujourd'hui au Mali, à la Côte d'Ivoire, au Gabon, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou chez les aborigènes d'Australie. L'adaptation de Chauvet, qui fait encore remonter largement la chronologie, évidemment déplace à nouveau le curseur. Mais qu'est-ce qui nous permet à l'heure actuelle de supposer que d'autres découvertes ne modifieront pas encore nos connaissances ? On commence à s'interroger, parce que Chauvet, c'est l'Homo sapiens. Bon, on commence à s'interroger sur quelques manifestations qu'on va dire difficilement interprétables, mais tout de même, de Néandertal. Donc je crois qu'il est très très aléatoire de prétendre affirmer aujourd'hui que l'on saurait au-delà de quel seuil on ne sera pas obligé de remonter. L'histoire de l'art comme discipline, effectivement, commence à ouvrir ces histoires de l'art mondial par un chapitre sur l'histoire de l'art à partir des années 1910. Audrey Ribert, philosophe. On peut prendre l'exemple d'un historien de l'art qui s'appelle Elifor, qui avait un succès absolument considérable de son époque. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Elifor, à la fois en 1909, ouvre son histoire de l'art par un chapitre sur l'art préhistorique, et en même temps, on sent bien qu'il a beaucoup de mal à intégrer ce chapitre au reste de l'histoire de l'art. De manière très significative, il l'intitule « Avant l'histoire ». Donc, tentative d'intégrer l'art préhistorique, mais qui n'aboutit pas complètement. À quoi s'ajoute que l'histoire de l'art, comme toutes les histoires, a une dimension idéologique. Et écrire l'histoire de l'art, c'est aussi se demander quelle est notre origine. Et on se rend compte que, aussi bien quelqu'un comme Elifor, donc en 1909, que l'historien de l'art Ernst Gombry, hein, qui a écrit son histoire de l'art en 1950, considère que nos ancêtres artistiques, ce sont les Égyptiens, puis les Grecs. Donc qu'est-ce qui joue ici ? C'est vraiment notre identité culturelle qui, quelque part, se passe autour de la Méditerranée. Gombry met un petit peu dans le même panier les hommes préhistoriques, ce qu'il appelle les primitifs, les aborigènes, les enfants, l'art folklorique, l'art des aliénés. Donc ce qui montre vraiment une résistance à l'intégration de l'art préhistorique dans notre culture. Mais on peut aussi mettre ensemble ces arts pour les valoriser, comme le fait Malraux, par exemple, dans son musée imaginaire. Pour Malraux, cette unité, c'est l'humanité. Ce qui fait que nous pouvons être émus aussi bien par un cheval de Lascaux que par un cheval de Braque ou un cheval de Degas, c'est que toutes ces œuvres sont ce qu'il appelle des antidestins, c'est-à-dire c'est des façons pour l'homme de combattre le destin, la nécessité d'exprimer une forme de liberté. Et en cela, en tant qu'homme, nous pouvons nous reconnaître dans toutes ces œuvres. Jean-Pierre Vanzo mène la file indienne de fond de gomme à travers les troupeaux de bisons. Il y a un peu de calcite qui le voile. Ça va ? Couleur et gravure. Tout est en place. Donc un cheval en extension, dont les sabots viennent toucher la concrétion ici. Les contours noirs ici, là, encore. Vous avez un deuxième. Ouais. Deuxième cheval. Pas vu la tête. Attendez, attendez. Alors, une partie picturale, l'autre partie minérale. Alors, il manque encore autre chose. C'est les jeux d'ombre et de lumière. Bon, alors, vous levez les yeux là, vous essayez de scruter ce qui se passe ici. Vous m'attendez une seconde. Cette valeur d'ombre, c'est le ventre. À mon humble avis. Pensez comme vous voulez. Et si vous acceptez ça comme ça, ah ben écoutez, là, il y a un relief intéressant qui apparaît. Ah oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, ça pourrait être la tête. Oui, tout à fait. Et disons que si on juge des proportions anatomiques, regardez, ça, tout seul, sont des concrétions. Ça tout seul, c'est une concrétion. Mais il se trouve qu'entre les deux pôles, là, il y a des contours noirs. Et au final, un grand cheval. Les proportions sont respectées. C'est juste. Il y a quelque chose de juste. Et au final, donc, il y a une profondeur de champ. Et au fond du champ, il y a un cheval. Oui. De dessins extraordinairement beaux de couleurs, de dessins. Approchez tranquillement. Pierre épouse parfois la forme du torrent. Plus j'en regarde, plus on sent le mouvement de la bête. La fraîcheur étonne car l'eau s'infiltrant à travers la roche traverse les dessins et les tombes. Ce qui est très étonnant avec l'art préhistorique, c'est qu'il a immédiatement été considéré comme moderne et étonnamment présent. Ce qui fait par exemple dire à Picasso, qui aurait visité la grotte de Lascaux après sa découverte en 1940, « Depuis Lascaux, on n'a rien inventé ». Ce qui frappe les artistes, mais aussi les préhistoriens sur le terrain, c'est la complexité de certaines représentations. Par exemple, la subtilité avec laquelle on crée un sentiment d'espace. Or, on se rend compte à Lascaux, à Chauvet, qu'il y a des effets de perspective. Évidemment pas de même nature qu'à la Renaissance, mais il y a des effets de réserve. Les parties arrière d'un animal sont moins travaillées que les parties avant. On a des effets d'ombre, des effets de modelé, qui créent des effets très raffinés de mise en perspective. Altamira. Il fait tout noir. Bruit de clés, de portes en fer qu'on ouvre, de lampes qu'on essaie d'allumer, et tout à coup, on rentre dans une vaste salle très sombre. C'est la grotte. On ne distingue rien tout d'abord, car l'œil doit s'habituer. Mais peu à peu, puis voilà le gardien qui a tout allumé. Je me suis couché par terre pour mieux voir. Le plafond, qui pèse réellement sur la grotte, est couvert de dessins. Extraordinairement beau, de couleurs et de dessins, la pierre épouse parfois la forme du taureau. Et plus on regarde, plus on sent le mouvement de la bête. La fraîcheur étonne, car l'eau s'infiltrant à travers la roche traverse les dessins et vous tombe goutte par goutte sur le front, et les dessins restent intacts. On dirait qu'ils ont été faits hier. Je suis retourné souvent. Un art qui ne lasse pas et qui se laisse pénétrer peu à peu. Ils ne m'ont pas permis, ces cochons-là, de prendre des croquis dans la grotte. J'aurais aimé vous donner des croquis de taureau comme je les vois, moi. C'est beaucoup plus vif. Il y a une vie intense là-dedans, un mouvement spontané. Si on se représente la vie de ces gens-là, toute la grotte prend un aspect étrangement puissant, réel. On refait un tour. Alors, j'ai passé mon mouchoir sur le dessin que je préférais. mais je crois que cela ne veut rien dire que mon mouchoir soit noir, rouge et ocre. Ouais. 5 août 1935, Nicolas de Staël à Georges de Vlaminck. Altamira est acceptée comme authentique en 1902. C'est à partir des années 1920 qu'effectivement les peintres de l'avant-garde, dont les peintres abstraits, mais pas seulement, il y a aussi les surréalistes, s'emparent de l'art préhistorique. Donc toutes ces formes d'art, que ce soit l'art qu'à l'époque on appelle nègre, l'art préhistorique, l'art des enfants, l'art des aliénés, c'est une façon de remettre en cause, par exemple, le paradigme du tableau. Quand vous peignez avec les doigts, quand vous peignez en crachant, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement près de la surface peinte, dont vous n'avez pas une vision d'ensemble. Quand vous peignez de manière non perspective, vous remettez en question les codes académiques contre lesquels les avant-gardes se battaient encore au début du XXe siècle. Concrètement, c'est des gens comme Giacometti, comme Miro, comme Picasso, qui au tournant des années 20 et des années 30, sont allés puiser à partir des images dans une idée préhistorique. Rémi Labrusse, historien de l'art. Alors, Miro s'est rendu célèbre de manière, il faut dire, un petit peu médiatique aussi, en 1925, en déclarant que la peinture était en décadence depuis l'âge des cavernes. Qu'est-ce qu'il va chercher dans cette peinture-là? Ce qu'il va chercher, c'est plutôt une sorte de vie de la matière. Et la volonté chez Miro de pratiquer la peinture comme une plongée dans le geste, et une transmission de l'énergie vitale du geste, eh ben c'est quelque chose qu'il a, non pas qu'il a appris à partir de la préhistoire, mais qu'il a relié profondément à ce qu'il avait intuitivement perçu de l'art pariétal. Et puis il y a évidemment la passion de Picasso pour la préhistoire, le fait qu'il avait au moins une, sinon deux versions moulées, évidemment deux moulages de la Vénus de Lespugue dans son atelier, et des carnets de dessins où on a le sentiment que la transformation, la métamorphose anatomique des formes féminines qu'il expérimente page après page entretient quand même un rapport, dans la déformation, les métamorphoses, etc., entretient un rapport assez fort avec précisément Lespugue, Willendorf et des représentations alors sculpturales de la préhistoire, beaucoup plus que des représentations picturales ou gravées. Moi, je définis la modernité entre 1907 et en peinture entre 1907 et 1914 avec toujours les mêmes qui Vincent sont Corpet, artiste peintre. Picasso, Malevich, Kandinsky, Duchamp et puis j'en oublie toujours pour que quelqu'un puisse rajouter les quelques noms que vous voulez. Voilà. Bon, la modernité a consisté à arrêter la perspective à cette époque-là. Hein. Et arrêter la perspective, c'est effectivement casser le point de vue. Donc à ce titre-là, je pense que la découverte des grottes et l'arrivée de cette modernité en peinture au début du XXe siècle, d'ailleurs c'est amusant, c'est que bon, Picasso naît en 1881, il faut une génération aux peintres pour comprendre ce qu'ont fait les préhistoriens, en fait. Et là, ils ont tout pété, c'est-à-dire qu'ils ont pété effectivement notre point de vue. Ce que l'art pariétal apporte dans le cadre des débats des années 30 sur la notion d'image, c'est le dépassement du conflit abstraction-art figuratif. Pour une raison d'abord iconographique, c'est qu'on trouve dans les grottes à la fois des éléments totalement figuratifs et des éléments totalement, je dirais pas abstraits, ça n'aurait aucun sens, mais non figuratifs. C'est ce qui permet justement le dépassement d'un conflit qui était un conflit finalement très limité dans le temps et qui est une sorte de contrainte, de carcan pour des artistes qui ont envie d'aller au-delà. Ah oui. Et on va regarder à mi-hauteur. Alors, face à ce petit bison, alors là oui, il y a un grand bison. Mais il y a surtout ça. Ouais. Vous voyez cette forme géométrique? Rouge, c'est un signe préhistorique. Et on appelle ça un tectiforme, un signe en forme de toit. On voit 30 tectiformes ici. Vous avez un autre ici. Fondougom, c'est la grotte des tectiformes. Il y en a 30 reconnus. Ils sont tracés en rouge, en noir. Certains sont gravés. Mais ceci, on le retrouve dans trois autres sites majeurs de la vallée de la Vézère, qui sont les Combarelles, Bernifal et Rouffignac. Dans Rouffignac, il y a des tectiformes qui sont tracées les doigts dans la marne, dans l'argile superficielle. Vous voyez, il y a quelque chose de signifiant dont on ne perçoit que l'enveloppe. Dans Lascaux, par exemple, il y a beaucoup de signes géométriques. Il n'y a pas ce signe. Il y a d'autres signes. Mais Lascaux serait plus ancienne, autour de 18-19 000. Et ici, à Lascaux, on n'a pas tout à fait le même type de signe tectiforme, mais on a ces grands rectangles qui sont cloisonnés, qui sont peints ou gravés, qu'on va retrouver plusieurs fois. Jean-Pierre Chadel, archéologue. C'est-à-dire que là, on ne se rend pas bien compte parce qu'il reste les couleurs sur cette grande vache noire. On voit le derrière d'un petit cheval jaune avec ses petites pattes noires. On voit d'autres chevaux. Une tête de cheval rouge ou brun qui dépasse, qui est derrière cette vache noire. Mais si on pouvait voir les gravures aussi nettement qu'on les voyait à l'époque, ce sont des dizaines d'animaux enchevêtrés les uns dans les autres, emboîtés les uns dans les autres, superposés. Et puis il y a aussi Jean-Pierre Chadel, alors on a appelé ça des blasons pendant longtemps, des sortes de damiers multicolores. Quand on observe ça, on se rend compte qu'il y a plusieurs superpositions. Ils ont été repris, ces blasons. Ils ont été peints, repeints, gravés, regravés. C'est quelque chose qui est complexe, qui est important, qui occupe une bonne place sur le panneau. C'est des signes qui sont importants. On va les retrouver ailleurs dans la grotte. On va les retrouver en face de ces trois qui sont au pied de la vache noire. On va les retrouver au fond de l'abside, c'est-à-dire presque en face, à l'endroit où on descend dans le puits. Et on va les retrouver après de façon un petit peu plus schématique, un petit peu plus simplifiée, sans remplissage, avec juste les grilles. On va les retrouver ici, on est devant le panneau de l'empreinte, on en a un au début et on en a un autre à la fin. On va le retrouver ici, un petit signe gravé entre les têtes de bouquetin. On va les retrouver dans le diverticule axial. Il y a une composition entre ces signes, les animaux, et cette complexité des signes à Lascaux, c'est sûr, ça... C'est ce qui a fait dire à le roi Gourand, je crois bien qu'à Lascaux, ils sont passés pas très loin de l'écriture. Il y a une chose qui m'est apparue justement dans ce phénomène de visite de grotte et de cette peinture ou de ce dessin ou de cette gravure, en fait de cette trace, qui serait donc avant l'écriture. Et ça m'a poussé à penser qu'effectivement, si la peinture, le dessin existe encore aujourd'hui dans l'art du début du XXIe siècle, c'est qu'il est peut-être question justement de cette avant l'écriture. Sachant que pour nous tous, autant qu'on est, on a eu une petite période avant l'écriture quand même, on a tous vécu. Tout le monde a attendu 5, 6 ans, 7 ans pour être capable d'écrire un mot et d'être capable d'en lire un. Et donc on a eu toute une période chacun d'apprentissage qui est avant l'écriture. À ce titre, moi je trouve que c'est amusant aujourd'hui de voir nos enfants, comment on élève nos enfants. Nos enfants, on les élève qu'avec des animaux. À Paris, dans le 6e arrondissement dans lequel j'habite pas, quand il y a un enfant qui naît, le jour où il fait meu, on se dit que tout va bien. Et quand il fait cote, cote, cote, on se dit qu'il est franchement assez intelligent et qu'il va commencer à falloir penser à Henri IV. Donc le son, le premier son qu'on réclame aux enfants, à part le papa, maman pour les hystériques, c'est des animaux. C'est des animaux qu'ensuite, leur peluche. Les peluches sont à 99% des animaux, et toujours les mêmes. Les livres qu'on leur donne représentent quoi ? Des animaux. Et quand il se met à parler correctement, et que vous lui demandez ce que c'est, il reconnaît un éléphant, même les pieds en l'air. Il reconnaît l'animal dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous jouez avec un enfant au jeu des animaux cachés dans la forêt, il gagne. C'est lui qui gagne, c'est pas vous. Donc il repère plus rapidement dans un environnement où est caché l'animal. Alors que vous, vous dites un éléphant, bah, il peut être qu'en bas, il peut pas être dans l'arbre. Enfin, vous avez tout un tas de réflexes sur la lecture et qui vous empêchent de voir, en fait, qui vous empêchent de voir. Et que, alors lui, il voit tout. Et puis la dernière année, avant le CP, à la maternelle supérieure, on leur offre des livres en papier avec une couverture rigide. Et on passe son année à remettre le livre à l'endroit pour qu'il tourne les pages de gauche à droite et qu'il regarde de haut en bas et qu'il retrouve des animaux sur lesquels il y a une petite anecdote. Et là, ils vont commencer à pouvoir écrire. Sinon, ils ne pourront pas écrire. Hein, ils n'y arriveront pas. Donc, et là, on casse le truc. Et je soupçonne que, justement, notre attirance pour certains d'entre nous, encore pour ce qu'on peut appeler la peinture ou le dessin, fait appel de cet avant. Comme il n'y a aucune utilité à ce machin-là, si ça tient, c'est parce qu'on en a besoin. C'est la Madeleine. C'est une vieille Madeleine, en fait. On devrait appeler l'art la Madeleine. Le trait, vous l'avez ou pas ? Ça sonne la terre, elle sonne très fort. Plutôt ouais, une respiration. Alors, si vous voulez voir, écoutez, il n'y a pas 50 solutions. Il faut vous accroupir. Voilà. Alors, ça se passe sous la voûte, ici. Là. Là, regardez, le bison avec la cuisse, le ventre, l'épaule, la bosse, d'accord. En face, il y a le bison rouge. Eh bien, regardez, sous la voûte, ici. Regardez bien. Donc, la roche encaissante, c'est le calcaire jaune doré. D'accord. Le fond est jaune. Mais là, il y a de la peinture noire. Et cette peinture noire, eh oui. Une main. Voilà. Une main en négatif. C'est un acte. C'est un acte. C'est un acte pictural. Et c'est la main. C'est la main de quelqu'un. Alors, vous voyez, il faut projeter la couleur. Le pouce est ici. On voit l'index, le majeur, l'annulaire. Le petit doigt n'est pas très visible. Voilà. Quelqu'un était là, il y a très très longtemps. Justement, après les modernes dont j'ai parlé tout à l'heure, les Picasso, Malevich, etc., le surréalisme, tout à coup, Lascaux est arrivé comme l'illustration d'un discours qui était déjà là avant qu'on trouve Lascaux. Donc les gens qui, justement, commencent, après Lascaux, se sont mis d'un côté à décider qu'il y aurait une progression dans l'art préhistorique jusqu'à la fameuse cathédrale qu'est Lascaux. Parallèlement à ça, il y a tout un discours qui se développe en disant « mais il n'y a pas de progression, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait avant quoi. Effectivement, les gens de Lascaux, c'est nous. Donc les gens avant, ça doit être nous aussi. » Et tout à coup, on trouve Chauvet, qui est peint comme par un type... extrêmement doué, qui fait effectivement de la bande dessinée, du cinéma, qui fait tout et qui fait ça en premier. Et résultat, les pauvres historiens, même de l'art préhistorique, se retrouvent bien, bien en peine, parce que finalement ils montent des théories au moment de Lascaux, qui s'effondrent au moment de Chauvet, et qui s'effondreront dans la prochaine qu'on va trouver. Donc ça, c'est assez amusant comme système. Il faut juste, pardon, que je mette un petit peu de lumière. Imaginez, alors. Oh, les yeux. On refait un tour. Oh, ouais. Wow. Ouais. Aujourd'hui, ce sont les œuvres les plus distinctes de la grotte. Oui. Alors, regardez bien. Tout est détaillé. L'œil, l'auréole, l'oreille, les cornes, en fait tout. C'est dynamique. Et il tourne la tête. Il regarde vers ici. On devrait marcher un mètre plus haut. Le sol était là. Le sol initial était là. Donc, imaginez que vous êtes un mètre plus haut. Que vous rentrez dans la grotte avec une lampe à graisse. Écoutez, c'est imparable. Vous le rencontrez, lui. puis les autres. Et puis il se passe quelque chose. Et c'est là que ça commence. Jean-Christophe Bailly a toujours fait parler les paysages. Il en tire de l'histoire et des récits. Il en tire une mémoire enfouie qu'il interroge, et cette fois-ci, il longe la Vézère et déterre les grottes qui se cachent sous la surface des choses. La densité des sites préhistoriques du Périgord est étonnante et marque de son sceau tout l'air de la région, à commencer par la vallée de la Vézère, qui en est un peu l'axe traversant. Si parler ainsi a un sens, quand tout donne l'impression d'un étoilement, d'une lente sédimentation de l'humanité sur ses bords. En tout cas, c'est là plus qu'en aucun autre point du territoire que s'éprouve, dans ce qu'elle a d'extraordinairement troublant, l'ancienneté d'une habitation, autrement dit, d'une hantise. Ces hommes si anciens qui peignaient donc sur les parois des grottes, rennes, taureaux, chevaux ou aurochs, ils ont été comme avalés par le temps. Mais c'est un peu, sitôt qu'on sait qu'ils ont été là, comme si la rivière au bord de laquelle ils durent allumer des feux et sans doute aussi chanter, charriait dans l'épaisseur de son eau trouble quelque chose qui est venu avec eux et qu'ils n'ont pas lâché. Cette sorte d'appel muet qui, venant du fond des âges, semble siphonner tout le pays et placer sa rumeur sous les gestes et les corps, en les enroulant dans sa nuit. Un voyage le long de la Vézère. Jean-Christophe Bailly, le dépaysement. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait en tout cas que ces populations, les populations au sein desquelles ces peintures ont été faites, c'était des populations de chasseurs-cueilleurs. Et pour ce qu'on sait de chasse et cueillette, bon, il y a toujours cette notion de prélèvement, donc d'une violence exercée par l'homme sur la nature, violence qu'il est contraint d'exercer pour survivre. Donc, on peut supposer aussi que, dans cette économie générale de la dette de l'homme envers la nature, prend place la représentation. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peindre un animal, c'est pas le tuer. De toute façon, il y a le moment de l'acte de peindre. Et ce moment de l'acte de peindre, par définition, il a quelque chose d'un retrait hors de la violence, d'un retrait hors de l'économie quotidienne de chasser pour se nourrir. Donc là, on fait autre chose avec l'animal que de le chasser, on le représente. Jean Rouault est écrivain. Il a pleuré dans les grottes, il a frémi à Cussac, et il a imaginé ce qui a pu pousser les paléolithiques à dessiner, pour commencer, et puis à peindre au fond des grottes. Et selon lui, ceux qui peignent, ce sont les inutiles, les tordus qui ne peuvent pas chasser. Qu'est-ce qu'il avait encore inventé, l'avorton, qui depuis ce matin s'occupait à griffer le sol de son doigt ? Les enfants se poussaient du coude, réjouis déjà à l'idée de le chahuter un peu. Quand l'un d'eux s'avisa que les curieuses traçataires lui rappelaient « Oh, c'était forcément un effet du hasard, vous allez rire sans doute, mais figurez-vous que j'y vois, oui, des mammouths. » Tous se penchèrent par-dessus l'épaule du petit bossu. Et soudain, en guise de réponse, l'audace inouïe, notre dompteur de formes s'empressant d'effacer de la main les lignes sur le sol et du même coup envoler les pachydermes, évanouit l'illusion collective. Et alors que tout allait rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire le petit infirme sous les coups de ses tortionnaires, voilà que le d'ordinaire résigné à son sort impose d'un geste le silence. Non mais qu'est-ce qui lui prend encore ? Et voilà qu'à nouveau il se penche. L'assistance suit le doigt de l'avorton qui fait surgir de la poussière la gueule ouverte d'un lion. Car à n'en pas douter, il s'agit bien d'un lion. Bien qu'on ne distingue que la mâchoire et les canines aiguisées. Mais l'ébauche est suffisamment menaçante pour que tous reculent instantanément de frayeur. Préhistoire, Jean Rouault. Dans les grottes, vous avez souvent des bauges d'ours. La bauge, c'est ce trou creusé par l'ours pour hiberner. Et donc, il passe tout l'hiver. Et un ours en hibernation, il est comme mort. C'est-à-dire, si vous tentez d'écouter son cœur, vous n'entendrez rien. Il met toutes ses fonctions comme ça, tellement au ralenti, qu'il consomme rien. Enfin, il vit sur la graisse qu'il a accumulé. Et vous ne craignez pas rien, il ne bougera pas, il est mort, etc. Or, au printemps, quand il sort de la caverne, d'abord il commence par se dresser. Et donc, ces hommes-là, qui passent leur temps à regarder, à observer, dans cette nature, ils vivent dehors. Et donc, ils voient ces ours qu'ils ont vus dans les grottes morts, ressuscités au printemps, littéralement, et toujours aussi dangereux, etc. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans cette matrice-là de la Terre pour redonner une telle énergie comme ça à ces animaux dont on pouvait penser qu'ils étaient morts. Donc, la question de la mort qui existe depuis longtemps, pour les Néandertaliens, on a des sépultures, on enduit d'ocre. L'ocre, c'est pas simplement pour préserver, c'est le sang, hein, l'ocre. Hein. C'est-à-dire que c'est redonner de l'énergie, comme ça redonner du sang au corps. Il y en a un corps, on a retrouvé des pollens de fleurs, de pétales peut-être. Et donc, cette idée de recouvrir un corps de fleurs, c'est d'imaginer que lui aussi fera comme le printemps. Et donc, il y a les ours qui sortent des cavernes plus costauds que jamais, il y a les fleurs qui poussent comme ça après la mort de l'hiver, et à partir de là, il y a une réflexion qui se fait sur la question de la mort et de la renaissance. Quand vous visitez les grottes, et notamment à Cussac, où vous avez dans les deux bauges d'ours, évidemment, bauges d'ours, hein, des squelettes, les corps déposés là, sont mis dans la situation de l'ours. Alors, ils sont pas idiots, ils imaginent pas qu'au printemps toute la famille va ressortir en disant bonjour à la compagnie. Mais il y a quelque chose qui est profondément là, qui est cette idée du passage. Et pour des gens qui encore une fois passent leur temps à observer et à essayer de tirer du sens de ce qu'ils voient, eh bien ça semble assez évident que ce grand livre là de la nature qu'ils ont sous les yeux, ils tentent de l'organiser sur les parois. Alors, c'est compliqué. Est-ce que parce qu'on sait que là, il y avait des hommes qui ont fait ces peintures, en tout cas, on a un peu la sensation d'être chez eux, chez ces gens-là, c'est-à-dire ces gens d'il y a si longtemps qui ont fait ces si remarquables peintures. Et ce qui m'a tout de suite frappé, j'y avais pas réfléchi avant, c'est que la tradition idéologique du nationalisme, hein, qui a beaucoup de sans-gêne, elle a pas osé aller jusque-là. C'est-à-dire, on remonte pas au-delà des Gaulois, qu'on a vu revenir récemment en plus, mais nos ancêtres les Gaulois. Mais personne dit nos ancêtres les Magdaléniens, encore moins nos ancêtres les Aurignaciens, les Gravettiens, enfin toutes les couches de... Non, les nationalismes, ils se constituaient sur des schémas, disons... Il y aurait, disons, une tradition de droite romaine. Le droit, etc., l'armée, le garde à vous, tout, chaque chose à sa place, sur ce côté-là. Puis le côté gaulois, qui par nature est un peu hirsute, avec une sorte de revendication comme ça, terre et sang, en fait, assez fasciste en soi. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou dans une espèce de tentative de fusion qui a pu s'opérer dans l'idéologie, ça regarde pas du tout du côté de ces hommes dont on sait très peu de choses. Et ce qu'ils représentaient en plus ne rentre absolument pas dans les codes de l'édifiant. Alors que bon, quand on regarde du côté de Rome, il y a des scènes de bataille, il y a des processions, il y a les toges, il y a la majesté, il y a tout ça. Donc on est déjà dans un registre très familier au fond. Alors que là, en plus, ils ne peignaient, ils ne représentaient principalement, presque exclusivement, que des animaux. Et s'il y a bien, du point de vue d'une idéologie, fixiste, comme ça, à valeur, et très, très crispée sur une supériorité prétendue de l'homme, bien entendu que le fait de représenter les animaux échappe complètement à la vision même de ces gens-là. Alors que pour les hommes de la préhistoire, visiblement, c'était pour eux fondamental de peindre ça plutôt qu'autre chose. Lorsque j'étais enfant, je me suis retrouvé à avoir des velléités de dompteur. Et mes parents avaient à ce moment-là une chatte noire. Julien Monnet, archéologue. Qui était assez revêche au domptage, comme tous les chats peuvent l'être, et celle-là en particulier. Et donc j'ai tenté de l'amadouer en la mettant en cage. Et grand mal m'en a pris, puisque en fait, de dompteur, je me suis retrouvé à être l'objet de son courroux. À vouloir trop maîtriser les choses, à vouloir trop les enfermer, à les mettre dans des boîtes, à vouloir mettre des lions sur des tabourets comme j'en avais l'envie à cet âge-là, eh bien, on risque de se retrouver soi-même aux prises avec des choses qui ne sont pas très très positives. Ces images, laissons-les libres d'interagir avec d'autres images, laissons-les libres d'interagir avec nos propres pensées, laissons-les libres d'interagir avec notre existence d'aujourd'hui. Nous aurons tout à y gagner plutôt que d'essayer de les assigner à résidence. C'est aussi une des incompréhensions finalement de la recherche en préhistoire, c'est que on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais plus que ça encore, le passé lui-même n'existe pas. C'est-à-dire que le passé n'existe pas en tant que réalité. Il n'y a que le présent qui existe. Il n'y a que le présent qui existe. Le passé, lui, est perdu à jamais, même la seconde qui vient de passer. La seule chose qui va rester, ce sont les traces mémorielles que nous avons dans notre tête. Alors on peut s'accorder sur nos souvenirs communs et puis décider qu'il y a quelque chose qui s'est effectivement passé de telle manière. Du coup, en prenant conscience effectivement que le passé est perdu à jamais, ça ouvre d'autres portes qui sont ceux de la création d'une image du passé dans le présent. Alors on va refranchir le Rubicon. Alors, en gravissant l'escalier, vous serrez bien à droite pour ne pas vous cogner. Là, je vous suis. Allez-y. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Merci à Jean-Christophe Bailly, Jean-Pierre Chadel, Jean-Claude, Vincent Corpet, Philippe Dagen, Jean-Michel Geneste, Rémi Labrusse, Julien Monnet, Audrey Ribert, Jean Rouveau et Jean-Pierre Vanzou. Bruitage Élodie Fiat, lecture Mathieu Farisier, prise de son Yann Frécy, mixage Éric Boisset. Si vous cherchez l'artiste, il est dans la grotte. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffie Mariani. Quand je rentre dans une grotte et que je regarde un panneau, je projette l'image de quelqu'un qui est en train de faire le dessin. Pour moi, c'est instinctif, c'est marrant d'ailleurs. C'est une image justement qui n'a pas de genre. C'est une silhouette humaine et qui produit l'image. Ça, c'est la première chose que je vois quand je rentre dans une grotte. Je pense souvent à quelqu'un, un artiste appelé Nicolas de Staël, qui a fait des très beaux dessins au fusain. Et pour moi, c'est toujours ce rapport-là, ce rapport à la matière directe, à la matière brute que l'on inscrit sur un support. À Chauvet, on les voit, on voit qu'ils ont touché la paroi avec les mains, les doigts rouges, il y a des appuis de mains, c'est des choses très physiques, contact. Il fallait que ça passe, quoi. Et c'est ce dynamisme du trait, ce dynamisme du geste qui est fantastique. Moi, je les vois toujours en action très... C'est pas violent, mais très dynamique. On sait très bien où on veut aller et on y va et il n'y a pas d'hésitation. Et il n'y a tellement pas d'hésitation que je pose ma main et que je continue quand même, etc. Pariétaliste, spéléologue, archéologue, peintre, graveur, cro-magnon, sapiens ou néandertal, LSD c'est tout pour cette semaine. Et pour creuser la galerie, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la caverne ou nous réécouter dans les grottes, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous tenterons de penser et de classer le monde pour y remettre un peu d'ordre.